L'affaire du coffret. 54e. آن كانت رفيقة نادية في الدراسة، ثم أصبحت زميلتها في العمل أيضاً. Dis Lucas, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce mini disque? Tiens, tu veux écouter? Le voilà. Mon coiffeur. Il y a une Pigalle en face du métro, madame. Bonjour. Oui, pour quand? Oui, quel jour vous souhaitez? Alors, à quelle heure? Qu'est-ce qu'on vous fait, monsieur? Je vais juste prendre votre nom, s'il vous plaît. D'accord, c'est noté, merci beaucoup. Alors, à nous. Bonjour, Marc. J'ai une conférence de presse. Ah ah. Alors, les cheveux clairs? Oui, avec une coupe courte. Ça roule, ma biche. Au revoir. Ah, Nadia et Marc sont coiffeurs. Avec une coupe courte. Ça roule, ma biche. Oh, la coquette. Le coiffeur, c'était pour la conférence, mais aussi pour être belle pour toi, Lucas. Et Jean-Pierre? Lucas, si tu es intelligente, tu comprendras que c'est toi qu'elle aime. فهمت. لو كنت نبيها لعرفت كثيرا من الأشياء، لكن للأسف لم أسترجع كل ذاكرتي بعد. سأذهب لألتقي بنادية في المستشفى. Bonjour. Ah, bonjour Lucas. Je te présente le docteur Mann, ophtalmologue. Enchanté, docteur. Ça va bien? Nadia n'est pas aveugle? Si elle se repose, elle verra peut-être. Pardon? Elle doit se reposer, dormir et ne pas travailler. Et pas d'émotion. Lucas s'occupera de moi, docteur. Tu sais, je sortirai demain. Tu viendras? إذا هي ارتاحت هي ماذا؟ Si elle se repose, elle verra peut-être. هي verra. لنرى الأفعال المستقبل. فهمت. Je verrai, elle verra. إنه فعل voir, رأى. Je sortirai demain, tu viendras? Demain, غدا. أي في المستقبل أيضا. غدا, je sortirai. سأخرج. هي ستخرج غدا. و tu viendras؟ تريد أن آتي غدا لأخرجها. Lucas s'occupera de moi, docteur. يجب أن أعتني بها. Et pas d'émotion. بدون انفعالات قوية. لكن علبة المجوهرات، اللصوص، الشرطة، كل هذا سيء لناديا. À suivre.